Se protéger. Encore, je danse encore, je danse. Moi je veux soigner encore. Moi je veux. regarder la lumière, les étoiles, gratuitement. La gratuité donnée. Pensée, penseur, pensée. Ouais, une autre, c'était trop bien. Pas toujours bien. Ajusté. Danseur encore. Moi je veux danser encore. Alors j'ai besoin d'une seconde pour effacer les voix. Thank you, Giorgio. It was so cool. Oui, c'est presque prêt. Renvoyez le mensonge dans les cordes. Moi je veux, moi je veux. Croire. Moi je veux, moi je veux. À ce que nous sentons. Moi je veux, moi je veux. Moi je veux, moi je veux. Encore une seconde. Renvoyez le mensonge dans les cordes. Croire à ce que nous sentons. Triomphe de la civilisation. Come back. En vrai ?